À la nouvelle de la déclaration du porte-parole du ministère de la Sûreté nationale de la République populaire démocratique de Corée, tous les civils et militaires coréens brûlent de la détermination d'anéantir tous les ennemis qui ont commis le crime ultra-géant. Han Cho-run, chercheur de l'Académie nationale des sciences, a dit qu'il s'indigne du crime des ennemis qui ont conspiré un attentat terroriste à la bombe contre notre direction suprême, voire même recourir à un complot terroriste d'État par une substance biochimique comme la matière radioactive ou la matière toxique en forme de nanomètre, et qu'il faut balayer une fois pour toutes sur cette terre les États-Unis et la bande traîtresse sud-coréenne qui ont conçu une méthode cruelle inimaginable pour l'homme. Kim Yong-gyu, officier de l'armée populaire de Corée, a dit qu'il faut éliminer complètement les établissements de renseignement et de conspiration américains et sud-coréens, groupe terroriste le plus lâche et cruel dans le monde. Et Lee Chul-guk, officier des forces populaires de l'intérieur de Corée, a dit qu'il ne faut jamais laisser respirer les criminels qui se démènent frénétiquement pour réaliser leurs rêves insensés. Kim Jong-hyun, ouvrière de la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, a souligné qu'il faut supprimer une fois pour toutes les impérialistes américains et leurs fantoches sud-coréens qui s'adonnent témérairement aux empêchements pour arrêter notre marche à la vitesse Malima tout en déjouant les défis des ennemis.